et froid comme une guerrière où j'apprivoise la peur qui coule dans mes artères. Où donnez-moi mon armure que je peigne dans l'atmosphère. Où comme un fou je tourne, où je ne sais plus où donner de la tête. Où tout se fait de façon à ce que je touche le fond now. Comme au milieu du désert, le sens aucun repère non. Où tout se fait de façon à ce que je touche le fond là. Où burn, burn, burn, burn. Où burn, burn, burn. Où burn, burn, burn like they want. Où burn, burn, burn, burn. De braise et de feu, chacun sa part de fumée dans les yeux. Où chacun ses combats qui l'engagent ou pas. Chacun ses défis qui relèvent ou pas. Non. Et ni je me plains, ni je gémis. Je pense au pire et puis je prie pour le frangin qui le subit au quotidien sans répit. And I know now, yes I know how much it takes to stay strong. Massive. Sur le petit live, j'en profite pour vous annoncer le samedi 1er mars au New Morning. Il y a monsieur Little Roy qui nous vient de Jamaïque avec Obidaya en première partie et en warm-up monsieur I We Cool. Ça se passe au New Morning, 7-9 rue des Petites Écuries, dans le 10e arrondissement métro Château d'Eau. Et c'est 24€, 27€, voilà, c'est un peu cher, mais il y a Little Roy qui nous vient tout droit de la Jamaïque. Obidaya, le samedi 1er mars, yes, New Morning. Wow. Ah Momo, ça va être à toi. On va te laisser avec les petites versions. Ouais, allez, attaquons ça alors.